goudron reflète des formes floues sous la chaleur. Les voitures encaissent les coups, feu sur fer dans la douleur. Agonisent les bâtiments, le reflet des vitres brûle la peau métallique des stores électriques. Allongé sur un balcon, on entend un chat miauler, heureux de goûter au plaisir doré des ultraviolets. Dans le bus, les gens suffoquent, des gouttes sur le front. Une à une, minuscule, se dépose sur le fond. De teint des filles qui défilent sur le pont, sortant des courses, changeant femme, oublie les leçons.